بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Donc on poursuit nos assises concernant les conseils aux jeunes mariés, aux futurs mariés, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sur nos langues la vérité et des paroles conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc hier on avait évoqué quelques hadiths concernant l'exhortation à se marier, et on avait parlé donc de l'importance de choisir une femme pieuse, et que le critère principal régissant notre choix, c'est la religiosité donc de la future épouse, bien que d'autres facteurs peuvent être pris en compte comme la beauté, la position sociale, etc. Mais avant tout, donc, c'est le niveau de piété de la sœur, et le contraire aussi. Donc une sœur doit voir le niveau de piété du frère qui se présente à elle, ou bien si elle veut, donc demander à son wali, à son tuteur, qu'il la propose en mariage à un frère, c'est possible. Comme l'a fait Omar radiallahu anhu lorsqu'il a présenté Hafsa à Abu Bakr radiallahu anhu, qui a refusé, et ensuite il l'a présenté à Uthman, il a proposé à Uthman radiallahu anhu, qui l'a refusé, et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé en mariage Hafsa, la fille de Omar radiallahu anhu. Et Omar avait demandé à Abu Bakr pourquoi est-ce qu'il avait refusé. Il avait dit c'est parce qu'il avait entendu le prophète alayhi salatu wa sallam citer Hafsa, donc il n'avait pas voulu prendre la fille de Omar, sachant que le prophète alayhi salatu wa sallam avait des intentions envers elle. On avait ensuite cité quelques notions relevant du regard, de ce qui est permis de regarder de la femme. Et ce regard, il a lieu avant la khutba, hein, dans ce qu'on appelle communément al-muqabala. Quand on voit la femme, alors qu'elle est accompagnée de son tuteur, il ne faut pas que ce soit fait en khalwa, en isolement. On avait dit que l'avis majoritaire, et celui qu'on choisissait, c'est qu'il était permis de regarder le visage et les deux mains de cette femme-là, et pas plus que cela. Et on avait apporté quelques hadiths, et notamment le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, qui avait demandé en mariage une femme, et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit retourne à elle et regarde-la, car il y a dans les yeux des habitants de Médine, dans les yeux des Ansar, quelque chose. Dans une version, ils ont des petits yeux. Et on avait cité aussi ensuite quelques notions importantes à citer lors de la muqabala. Des notions qui ne doivent pas être ensuite des sources de conflit. On avait donné à titre indicatif la télé, le permis, des choses comme ça, parce que ça c'est assez récurrent. Mais on avait dit la liste elle est non exhaustive, il peut y avoir d'autres notions. Tout ce qui pourrait être source de conflit, il faut essayer de le voir avec la sœur lors de l'entrevue, afin qu'inch'Allah ce ne soit pas source de conflit plus tard. On avait parlé aussi du urf avec les parents, et notamment parler du urf des maghrébins, que ce soit au bled ou même ici, ça continue d'être, que beaucoup de frères faisaient cavalier seul, qu'ils allaient demander la main d'une sœur, parfois ça arrivait jusqu'au mariage sans prévenir les parents, et ça faisait des problèmes. Et on connaît la tradition des maghrébins, on se doit d'aller avec notre père, avec notre mère, aller voir la future belle famille pour faire participer les parents. C'est eux qui nous ont mis au monde, et la tradition, du moment qu'elle ne va pas à l'encontre du char, elle est prise en compte, et notamment si le fait de l'ignorer, cette tradition là va créer des problèmes, et c'est le cas lorsqu'on ne prévient pas nos parents comme cela. Et le conseil de nos parents est important, et le fait surtout que la maman voit la future mariée, c'est important. Et on avait parlé aussi du cas du père qui refusait donc cette femme-là, et on avait donné les cas. Donc si jamais c'est quelqu'un de science et de sagesse comme Omar radiallahu anhu, on se doit d'obéir à sa parole, parce que Omar avait ordonné à Abdullah ibn Omar de divorcer une femme, et Abdullah ibn Omar, après avoir donc prévenu le prophète alayhi salatu wassalam, après l'avoir informé de cela, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit divorce. En revanche, si c'est par nationalisme, etc., on avait donné quelques tuyaux, astuces entre guillemets, qu'on pouvait essayer, inch'Allah, d'aller dans le sens de leurs envies, tant que ça n'allait pas à l'encontre du char, même si eux, à la base, leurs intentions ce ne sont pas des intentions législativement parlant acceptables. Comme salam wa rahmatullah wa barakatuh. Après, on avait parlé de... On n'avait pas trop cité comment est-ce qu'on trouve... on essaie de trouver une sœur avec laquelle on voudrait faire notre vie, mais on avait plutôt mis en garde contre notamment la fréquentation pré-mariage, hein, que font beaucoup de jeunes. On avait dit que c'était haram, qu'il est interdit de fréquenter une sœur avant de officialiser cela par un mariage. Et les arguments souvent amenés par les jeunes, c'est « mais comment je vais faire? Je vais me marier avec elle tout de suite, je ne la connais pas, je ne connais pas ses goûts, ses envies, ça risque ensuite de faire des conflits. » D'abord, on avait dit que le critère principal sur lequel on fonde notre choix, c'est la religiosité de la sœur. Or, une fois que cette sœur accepte de créer un lien avant le mariage, sa religiosité s'est effondrée. On est d'accord là-dessus. Donc, le critère principal, il est déjà mort. On l'a déjà mis de côté. Donc, il va rester la beauté, il va rester, on a les mêmes goûts, les mêmes aspirations, la même vision de la vie, etc. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Fadfar bidhati din taribat yadak » « Choisis celle qui a la religion, tu as réussi, donc tu as fait le bon choix. » Lorsque cette fille va accepter qu'on soit seul, hein, parfois elle met des fameuses conditions, pas de rapport sexuel, pas de bisous, etc. Mais le simple lien pré-mariage est déjà quelque chose de grave et qui vient condamner la religiosité de la sœur comme du frère. Donc ce premier critère qui est la religiosité, et en plus ce critère principal, il est condamné. Donc il n'y a aucun argument valable pour cautionner une relation quelle qu'elle soit avant le mariage officiel, avant le azzawaj. Et donc parmi les chemins pour pouvoir trouver une sœur, le fait de demander autour de nous et de faire savoir qu'on est quelqu'un qui cherche à se marier en ce moment. Et ça, c'est sûrement l'un des meilleurs chemins. Donc auprès des frères qui nous entourent, normalement lorsqu'on les fréquente, ils savent qu'on est arrivé en âge de se marier, qu'on est en situation de se marier, et puis entre personnes, on en parle de ça. Quand on veut se marier, on en parle. Et il fait partie, inshallah, de l'aide, de l'entraide fraternelle de aider son frère à se marier, afin qu'il ne cherche pas, par des chemins haram, à concrétiser cela. Ensuite, il y a aussi le fait de donc simplement dire qu'on cherche à se marier en ce moment, et aussi le fait de questionner comme ça les gens, ça ce n'est pas interdit. Et faire savoir aux personnes âgées, entre guillemets, les personnes qui sont moyennement en âge d'avoir une fille qui serait donc de ma catégorie, et de les informer de cela. Donc le bouche à oreille, la connaissance des frères de ma catégorie, des personnes en âge d'être père d'une sœur que je voudrais prendre en mariage, etc. Ça c'est souvent l'un des plus grands facteurs et l'une des plus grandes causes pour trouver une sœur. Mais les moyens des mécréants, la drague par exemple, aller draguer, tourner en ville pour chercher une sœur, ou tourner au marché, mais ça c'est un classique, on a des gens qui vont au marché, parfois mettre un burqami, se repasser, une chéchia bien propre, se brosse bien la barbe en espérant trouver et croiser la sœur en jilbab avec qui ils vont faire leur vie. Et ça, astaghfirullah, ce n'est pas une méthode employée par le prophète alayhi salatu wassalam. En revanche, que tu ailles au marché pour faire tes commissions et tu tombes comme ça, c'est entre guillemets par hasard. Tu es en train d'acheter tes légumes et à droite il y a une maman avec sa fille et la discrétion de cette sœur-là, son silence, le fait que... Et bref, des choses comme ça t'ont attiré, tu te renseignes, etc. Ça, c'est pas grave. Mais aller draguer, ça c'est interdit. Un autre moyen interdit que les mécréants ont mis en place et certains musulmans tombent dans ce piège-là, c'est Internet. Et notamment tous les sites matrimoniaux, ça c'est interdit, les savants ont mis en garde contre cela. Il y a plusieurs dangers, on n'en cite que quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ceux qu'on va citer. Le premier, c'est que déjà qu'une sœur se présente là-dedans, s'inscrive, mette sa photo, sa biographie, etc., ça va à l'encontre de la pudeur dont doit faire preuve une femme musulmane. Elle ne doit pas s'afficher comme ça sur Internet, et d'ailleurs même se présenter en mariage. Car la femme ne se présente pas comme ça en mariage, et ça c'était un privilège qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, qu'une femme puisse venir se présenter au prophète alayhi salatu wassalam et lui dire ahabu nafsi lak, je donne ma personne à toi-même. Mais en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas permis, wallahu ta'ala a'lam. Mais elle peut passer, on a dit, par son tuteur et dire tel homme me plaît et qu'il aille demander cet homme en mariage pour sa fille ou pour la personne dont il est responsable. Mais passer par ces sites internet-là, on a dit la première chose, c'est que ça va à l'encontre donc de la pudeur d'une femme. En plus, c'est très mensonger. On ne peut pas savoir est-ce que les informations qui sont mises dans ce type de site sont réelles. Troisième danger, c'est que certains entrent avec l'intention de se marier et sortent avec parfois l'intention de se forniquer, parfois même concrétisent par la fornication, qu'Allah nous protège de cela. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Donc il faut s'éloigner de ce type de site, et c'est un moyen illicite, haram, qu'il n'est pas permis d'utiliser. Donc on va passer un peu les étapes parce que détailler tout, ça demande beaucoup de temps. Il y a des choses qui relèvent de la jurisprudence. Nous, on va rester à des conseils fraternels basés sur le dîn et sur l'expérience bi'idhnillah azza wa jal. Donc on va dire que une fois qu'on a trouvé sa femme, qu'on a concrétisé le mariage, on avait parlé hier de la célébration du mariage qui s'appelle Al-Urs. Et ça, c'est une entre guillemets soirée, c'est pas obligatoirement le soir, hein, mais bon, le urf français ici et même des maghrébins, c'est souvent de le faire le soir pour les hommes et le jour pour les femmes, mais bon, ça n'a pas une source réelle dans la législation. En tout cas, cette journée, cette cérémonie, cette célébration, elle doit se faire selon le Coran et la Sunna. On a beaucoup de gens qui perdent l'esprit lors des grands événements de leur vie, lorsqu'ils ont le bac, ils perdent la tête, un grand diplôme, lorsqu'ils sont embauchés, ils ont un CDI, ils perdent la tête et ils pensent qu'ils sortent du cadre juridique et qu'il est permis pour eux de faire n'importe quoi. Au point où lorsque quelqu'un leur interdit le blâmable, ils lui répondent avec naturel qu'ils sont dans une situation exceptionnelle et que, comme si ce jour-là, il leur était permis de faire ce qui n'est pas permis de faire dans un autre cas. Lorsqu'on se marie, on est toujours entouré par les versets et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. La gaieté, la joie, le bonheur vécu ce jour-là ne nous donne pas une dérogation par rapport à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait cité que cette journée, cette célébration doit se faire dans le licite. Donc il ne doit pas y avoir de mixité, hein, comme on peut le voir aujourd'hui. Le mélange homme-femme est interdit. Il ne doit pas y avoir non plus de musique. Il ne doit pas y avoir de musique, d'instruments musicaux, tous sauf ad-douf. Ad-douf. Et hier, je m'étais trompé, j'avais dit que le douf, c'est celui qui a du cuir des deux côtés. Non, c'est celui qui a du cuir que d'un côté. Quand c'est des deux côtés, c'est at-table, le tambour. Donc, c'est un instrument circulaire. À la base, c'était du bois au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Que ce soit du métal ou du plastique, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Et il y a du cuir, donc, qui est tiré sur une des faces circulaires de l'instrument. Et donc ça, c'est la base. Il n'y a pas de corde, hein, qui passe à travers le centre du cercle, hein, comme ça, par le diamètre. Une ou deux cordes, non, ça ne fait pas partie de l'instrument. Et non plus les petits cercles métalliques là qui font des cliquetis quand on tape. Après, certains disent que ça, c'est makruh et non pas haram. Il y a divergence là-dessus. À la kulli hal, la base, c'est un instrument circulaire avec du cuir sur une des deux faces. Et ça, c'est le douf. Et on avait cité hier un hadith qui est faible. A'linu nikah wa daribu alayhi bidouf. Annoncer le mariage et frapper donc pour ce mariage avec le douf, avec cet instrument-là. Le hadith est faible. Mais dans la sunna, il est rapporté que le douf était utilisé dans le hadith de Tirmidhi. Bayn al halal wal haram. Fin nikah ad-douf. Entre le halal et le haram, dans le mariage, il y a ad-douf. Was-saut. Et aussi la voix, le fait, les chants. Et on avait dit que ça, c'était spécifique aux femmes, hein, et que les hommes ne doivent pas taper le douf. Bi'iznillah azza wa jal. Donc, pas de mixité, pas de musique. Et on avait dit que c'était souvent difficile avec les parents, ou parfois la belle famille, car ça fait longtemps qu'ils attendent, notamment quand c'est leur première fille qu'ils marient, et que le niveau de religiosité est faible parmi ces gens-là. Ça entre souvent en conflit. Et là, il faut faire preuve, on avait dit, de fermeté. Quand on dit fermeté, ça ne veut pas dire de vulgarité, de mépris ou autre. La fermeté, c'est une qualité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était ferme sur les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais il ne faisait le haram par souci de faire plaisir aux gens ou par faiblesse par rapport à une certaine catégorie de personnes. Comme vous savez, lorsque Al-Makhzoumiyya, la femme de Bani Makhzoum avait volé, elle faisait partie d'une tribu noble. Les compagnons ont éprouvé une certaine gêne à ce que cette femme-là ait la main coupée, et ils ont envoyé Usama ibn Zayd, qui était l'un des plus aimés auprès du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il intercède pour cette femme-là. Et lorsque Usama ibn Zayd est venu pour intercéder, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère et a dit: Ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Oh Usama, est-ce que tu veux intercéder dans une des sentences parmi les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala? Waymullah, il a dit par Allah, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Par Allah, si jamais Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai sa main. Donc lorsque les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont imposées, on ne cherche pas à faire plaisir aux personnes, même si c'est notre mère, même si c'est notre père. Et on voit certains frères qui, parfois, face au hadith, donc qui imposent l'obéissance aux parents, et notamment le respect de la mère, etc., la piété filiale, ils font preuve de faiblesse et pensent que leur obéir dans ce cas-là, lorsqu'ils veulent imposer la musique, la mixité ou autre dans le mariage, ça fait partie donc de l'obéissance à Allah. Et ça, c'est une erreur. À ce moment-là, on a dit il faut faire preuve de fermeté, mais en prenant les parents par en dessous, avec douceur, avec respect, en leur exposant les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, chose communément inutile souvent avec ce type de personnes. Après, la méthode que je conseille le plus, c'est de passer par une personne d'un certain âge et d'un certain statut dans notre ville et qui œuvre avec le Coran et la sunna, hein, pas qui est dans leur... parce qu'il y a des gens d'un certain statut mais qui sont de leur côté au niveau musique, etc. Et bon, ils vont pas nous arranger, mais chercher des gens qui appliquent le Coran et la Sunna, qui sont sages et qui ont de la connaissance et qui sont aimés par les gens, et passer par eux pour qu'ils essaient de convaincre nos parents. Et si ça ne marche pas, il faut toujours faire preuve de fermeté et dire qu'on ne sera pas présent à cette cérémonie-là et qu'on ne la fera pas, hein, ou qu'on ne la fera pas avec ces instruments-là. Quitte à ce qu'ils se mettent en colère et qu'ils ne viennent pas, tant pis. Et c'est eux, Yom al-Qiyama, qui seront dans l'erreur, et il faut avoir certitude là-dessus. Mais Inch'Allah, avec la sagesse, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala unira, et ça se fera inshallah dans le halal. Donc maintenant on passe au stade où on est marié, hein. Lorsqu'on est marié, la soirée du mariage, ça prend du temps. Un point qui est important lors de la célébration du mariage, c'est l'alliance, hein. Donc le point de l'alliance, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'alliance c'est une coutume des musulmans ou que ça fait partie de notre religion. Donc je ne dis pas la bague, je dis bien l'alliance. Donc l'alliance, c'est la bague par laquelle on montre, on exprime le fait qu'aujourd'hui, cet homme et cette femme sont liés. Et c'est ce qu'on appelle en arabe « ad-doubla ». Et ça provient des chrétiens, la base. Et ils ont une croyance selon laquelle il y a une veine qui passe à travers tel doigt, et que lorsqu'on met la bague dans ce doigt-là, alors il y a de l'amour qui se crée entre l'homme et la femme. Et lorsque la bague disparaît, alors c'est un mauvais signe, et ça veut dire que le couple va se séparer. Donc dans les croyances chrétiennes, ils ont ça. Et le fait aujourd'hui de mettre une alliance avec sa femme, c'est-à-dire vraiment avant le « vous êtes marié, femme », tout ça, ça entre dans le « tashabbuh bil kuffar », la ressemblance aux mécréants. Il y a dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam donc a ordonné la dot, et pour certains qui ne trouvaient pas, il disait walau khataman min hadid, ne serait-ce qu'une bague de fer. Et cette bague en fer, elle était là pour la dot. Et bon, il y a des gens que j'appelle souvent les petits malins qui essaient de se cacher derrière certains hadiths pour faire des choses ressemblant au kuffar. On va arriver à la lune de miel aussi. Allah connaît ton intention, hein. Entre toi et Allah, tu sais ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de donner une bague à ta femme dans le sens d'une alliance, hein, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose qui exprime que vous êtes ensemble, parce que le urf autour de toi dans ce pays de mécréance, c'est d'avoir cela. D'ailleurs, c'est chose qu'on a vu lorsqu'on travaillait et qu'on n'avait pas d'alliance et qu'on disait qu'on était mariés, mais elle est où ton alliance? Ben, je suis musulman, il n'y a pas d'alliance chez les musulmans, ça n'existe pas chez nous. Donc ils sont choqués de voir qu'on n'a pas, même des musulmans, on les entend dire ça. Lorsqu'on dit on est musulman, ils te disent mais elle est où ton alliance? Qu'Allah nous préserve de la déviation et de la ressemblance aux mécréants. Donc celui qui offre une bague à sa femme, c'est la dot ou bien qu'il offre comme ça, mais souvent quand il offre comme ça, c'est bizarre qu'il l'offre ce soir-là, enfin ce jour-là du mariage, il connaît son intention. S'il l'offre en tant qu'alliance, entre guillemets, dans le sens communément reconnu ici, c'est une désobéissance et c'est un mauvais départ pour son mariage. Et ça, on le reconnaît souvent parce qu'il y a une alliance pour l'homme et une alliance pour la femme. Donc ça, c'est un signe de plus montrant, Allah a'lam, que ce couple-là est en réalité dans la ressemblance au mécréant, Allah ta'ala a'lam. Donc ça, c'est un point important et il ne faut pas tomber dessus. Donc on s'est marié. Ben, on enchaîne tout de suite sur la lune de miel, parce que c'est quelque chose, souvent lorsque les gens se marient, ils le font. Bon, à la base, on sait très bien que c'est une habitude des mécréants. Les savants, lorsqu'ils parlent d'un point, ce sont des fuqaha, des jurisconsultes, et ils jugent quelque chose, toujours à la lumière du Qur'an et de la Sunna, ils observent bien ce point, avant de dire que c'est une ressemblance au mécréant, est-ce qu'il fait partie toujours des privilèges ou pas ? Lorsque quelque chose fait partie des exclusivités des mécréants et que ça ne s'est pas encore propagé chez les musulmans et que cette chose-là ne fait pas partie des notions religieuses, une fois que cette notion s'est propagée chez les musulmans et qu'elle relève des adat, donc des choses mondaines et non pas du religieux, il n'y a pas de problème à faire cette chose-là à condition qu'il n'y ait pas de mu'taqad, de croyance en faisant cette notion-là. Et la lune de miel, entre guillemets, ce qu'appellent les Arabes shahr al-asal, ça entre là-dedans. Donc les savants, le peu qu'on a écouté, ils parlent de cela en disant qu'il n'y a pas de mal et que c'est quelque chose qui, alhamdoulilah, permet au couple de se découvrir et d'être isolé de la famille, de la belle famille et de vivre quelques instants intimes entre eux. Mais il y a certaines choses qu'il faut développer ici. D'abord, il n'y a pas de limitation en disant shahr al-asr. Quand ils disent lune de miel, c'est-à-dire mois lunaire, je pense. Hein, Allah alam, c'est pour ça qu'ils doivent dire lune de miel. Donc un mois, ça ce n'est pas préconisé, c'est même quelque chose à délaisser, il n'y a pas de limite. Après, bien sûr, il faut que ce voyage soit licite. Donc il ne faut pas aller dans des endroits où il y a des désobéissances, de la perversion, de la nudité, de la mixité, etc. Il faut que ce soit, de manière générale, un voyage qui soit licité, dans lequel il n'y a pas non plus de gaspillage. Et il ne faut pas aussi que ce soit fait avec une aqidah, selon laquelle on veut ressembler aux kuffars, parce que, voilà, eux, quand ils se marient, il y a le fameux mois de la lune de miel, le fameux voyage de la lune de miel. Ça, c'est important. Donc, d'avoir une aqidah d'alliance et des aveux enracinés dans nos cœurs pour ne pas éprouver de complexe face aux civilisations occidentales et mécréantes. Nous, on fait cela dans le sens où on veut lier des liens avec notre nouvelle mariée, alhamdoulilah, pour qu'il y ait de l'amour et de la découverte entre les deux. Donc, une fois qu'on s'est marié, qu'on débute dans notre vie, souvent les débuts, c'est un peu les tourtereaux, on s'aime bien, c'est l'amour, etc. Mais rapidement, on arrive devant une réalité qui est qu'on est dans un long couloir qui va durer longtemps, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est à ce moment-là que doivent apparaître les qualités du mari et les qualités de la femme pour que le mariage dure. Parce que se marier, c'est facile, mais rester ensemble, c'est autre chose. Et on voit que le divorce aujourd'hui, je vais pas dire que la majorité des jeunes divorcent, mais on a beaucoup de divorces. On a beaucoup de frères aujourd'hui jeunes et des sœurs qui ont divorcé. C'est pas quelque chose de rare. Or, lorsqu'on observe les couples de nos parents, c'était des parents pourtant qui n'ont pas écouté les doros comme aujourd'hui, qui ne connaissaient pas les versets, les hadiths concernant le mariage, etc. Pourtant, c'est des mariages qui ont duré toute une vie. Mouhim, c'était des couples très modestes, mais qui ont duré. Il faut se poser la question. Pourquoi nous, on est plus cultivés? On connaît plus concernant ces choses-là, le comportement, etc. Et pourtant, ça casse. Alors que eux, ils étaient très sobres, très simples, et ils ont duré dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose de long. Nous, on va passer sur certains points. Mais, Inch'Allah, on va essayer d'aborder les principaux. D'abord, la première chose, c'est beaucoup de frères, lorsqu'ils se marient, ils ne déplacent pas le centre de gravité de leur fréquentation, de leur copain, dans le sens pote, hein, vers leur femme, vers leur épouse. Donc l'épouse reste en périphérie et les copains sont toujours le centre de gravité du quotidien. Et c'est parfois pareil aussi pour la sœur. La sœur, elle a toujours sa constellation de copines et elle a un mari qui est venu se greffer à cela. Ça, ce couple-là, il y a très peu de chances qu'il dure parce que la relation qu'on a liée avec cette femme-là ou bien la femme avec le frère, c'est le plus grand lien désormais qui existe entre les deux personnes. Il va même au-delà du lien parent-enfant de certains points de vue. La femme, lorsque elle reçoit un ordre impératif de son père et un autre de son mari, elle doit obéissance à qui de manière prioritaire? Au mari et non pas au père. Donc il ne faut pas que la femme soit en périphérie, hein, et ou bien le mari. Mais moi je m'adresse plutôt au frère là, et il faut que cette femme-là, elle soit désormais au centre de notre vie. Et il y a des frères qui gardent le même rythme de vie que lorsqu'il était le pote de certains jeunes du quartier ou du GMA. Et il est toujours dans ce rythme-là, et la femme, elle vient remplir le vide qu'il reste en dehors du temps donc octroyé aux copains. Et après, ça fait beaucoup d'isolement et la femme ne ressent pas qu'elle participe à un projet de vie avec ce mari-là et ça va aller à la fracture. Donc celui qui se marie, hein, il se doit de désormais mettre ses fréquentations en périphérie et mettre sa femme au centre. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et ça, c'est si jamais les fréquentations étaient déjà des fréquentations mûres, matures. Hein, pas de gamin entre guillemets, mais on ne parle pas de celui qui se marie et qui donc ne met pas la femme donc avec qui il s'est marié au centre donc de sa vie, mais en plus, hein, dans ses temps libres qu'il donne avec ses copains, c'est des temps libres de gamin entre guillemets, choisis l'expression. Donc on a toujours des frères, hein, on le voit bien, hein, qui passent leur week-end par exemple à taper dans le ballon alors que la dame, bon, elle aurait préféré aller faire un tour dans la montagne, cueillir des pâquerettes, aller voir, écouter le chant des oiseaux avec son mari. Ou bien on a des frères qui partent encore 3 jours au ski, ou bien 2 jours à la montagne ou à la mer avec leurs collègues en voiture, et qui laissent la femme à la maison. Et ça, c'est toujours un rythme, vous comprenez quand je dis de jeune, je ne parle pas de l'âge. On peut se marier à 20 ans, quand tu te maries à 20 ans, tu n'es plus un jeune dans le sens non marié, tu es désormais un mari. Donc lorsque tu es un mari, ton temps libre, il doit être donné de manière principale à ta femme. Tes sorties, elles se font avec ta femme, avec tes enfants. Et lorsque tu prends de ce temps sur quelqu'un d'autre, c'est pour tes parents. Lorsque tu prends du temps de ta famille, c'est pour ensuite tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles. Et après viennent les frères de la mosquée, etc. Et les frères de la mosquée, c'est dans les ilms, c'est dans les cercles. C'est dans l'amr bil ma'ruf wa munkar. Et après cela, avec les frères de la mosquée, c'est pour des loisirs mondains, jouer au foot avec la aura couverte, hein, sans alliance des aveux sur les pays, sur les clubs, les villes, etc., dans le cadre halal, ou ailleurs, faire une randonnée, ou aller je ne sais faire quoi, tant que c'est licite. Mais la base, c'est ta femme. Hein. La base, c'est ta femme. Et il faut que la femme, elle ressente ça, que le mari, il l'a mis dans le centre de sa vie, et qu'il y a un projet commun. La femme, elle est possessive, c'est comme ça. D'ailleurs, dans le Jannah, elle n'aura que son mari. Nous, on est fantasmatique. On a 70 hurlaïn, on en veut plein. Elles, elles ne sont pas comme ça. Elle veut s'approprier son mari. Elle veut ressentir que lorsqu'il pense, il fait des projets, il l'associe. C'est pour cela que, de manière naturelle, elle n'aime pas la polygamie. Pas la législation. La législation, si elle la déteste, c'est une apostate, c'est une mécréante. Mais on parle du fait de savoir que son mari partage le lit avec une autre femme. Il y avait des conflits même entre les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc la femme est possessive, elle a besoin de ça, de sentir que ce mari, il la fait participer de manière entière. Donc moi, le conseil que je donne à mes frères, surtout les jeunes, et ça je l'observe autour de moi, de passer d'une vie de jeune, entre guillemets, qu'à ses potes et tous ses collègues, etc., à une vie de mari. Essaie de plus ressembler à ton père comme tu l'as connu, l'usine, la mosquée, s'il avait la mosquée, et la maison. Et toi, Inch'Allah, c'est le bureau, hein, ingénieur ou je ne sais quoi, la mosquée et la maison. Et de temps en temps, tu saupoudres ton quotidien avec les frères. Hein. Donner beaucoup de temps aux frères, si c'est pour les ilms, oui. Et ce sera quelque chose d'acceptable dans le mental de ta femme. Parce qu'elle voit que tu trahis la religion, etc. Mais beaucoup de temps pour aller manger des tacos, aller faire un cinéma, pour aller faire un bowling, aller faire du ski. Parfois, c'est avec des nuitées. Et tout le west-west qui va y avoir, les mauvaises pensées, elle se dit que tu fréquentes une autre sœur ou ça, qu'Allah nous préserve. Ça, c'est très dangereux pour ton couple. Donc, ça, c'est le premier point, centralisé en mettant la femme donc dans son quotidien. Un autre point, beaucoup de frères se marient et ils sont hélas parfois immatures. Et là, on a l'équation difficile à résoudre en France, c'est que il y a beaucoup de fitna autour de nous, donc il faut rapidement se protéger, mais rapidement se protéger, c'est parfois se protéger en étant immature. Donc on connaît la mentalité d'un jeune de France de 18-20 ans, c'est encore un peu un gamin dans sa tête, sauf exception, une maturité acquise par l'expérience, par un père très mûr de science, de sagesse qui lui a transmis des valeurs, mais la majorité des cas, 18 ans, 20 ans, n'est pas capable de tenir un couple, souvent. Donc on a parfois des maris qui jouent à la PlayStation à la maison. Ça c'est extrêmement grave. Quelqu'un qui a une manette dans les mains et qui est marié, je suis désolé, il faut vraiment qu'ils se remettent en question, mais de manière extrêmement profonde. Imaginez-vous vos pères, hein, lorsque vous étiez encore à la maison, avec une manette en train de crier parce qu'il a mis un but à FIFA ou je ne sais pas quoi. Tu perds ton charisme, hein, parce que tu as besoin, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un charisme en l'homme et que la femme respecte, et tu entres avec, notamment si tu ne l'as pas fréquenté avant le mariage, lorsque vous fondez ce couple donc dans ce nouveau domicile, tu as une certaine envergure hein, que tu vas briser par des cris devant un écran, ou bien simplement parfois en regardant un match de foot, en criant ou en insultant parce que l'équipe pour qui tu es a pris un but. Tout ça, ça relève de la gaminerie, de l'immaturité intellectuelle, et ça aura un impact ensuite sur le couple. Donc il faut faire preuve de maturité, mettre un coup de balai dans tous ces loisirs-là qui relèvent des jeunes, des adolescents en réalité, pas d'un homme qui est marié, qui désormais doit avoir une réflexion sur son couple, sur ses enfants, comment éduquer ses enfants. Et là c'est pire, si on a des enfants et qu'ils voient encore le père avec une manette de console à la main, là aussi ça a un impact grave. Sauf si j'ai mon fils à qui j'ai acheté une console et je viens, par souci de paternité affective, faire une partie avec lui. Là c'est autre chose. Mais que je sois devant ma console, c'est ma partie que j'enregistre pour reprendre demain, là c'est pas la même chose. Donc il faut bien gérer ces choses-là, qu'Allah nous corrige, Inch'Allah. Donc ça c'est, j'illustre par la console, mais on a tout plein de choses. On a beaucoup de choses. Le Facebook, ça se gère aussi. Il y a un Facebook mûr qui représente une personne qui est, mashallah, intellectuellement posée, etc. Et on a le Facebook gamin. On a le Facebook toujours avec la photo dragueur. La sœur, elle voit que son mari, il a encore une photo qu'il ne devait pas avoir d'abord, même avant d'être marié. Mais on a des frères qui ont des photos sur leur Facebook. Il y a écrit « Je cherche une femme pour me marier ». C'est pas écrit, mais la photo le laisse sous-entendre. Les commentaires, toutes ces choses-là, il faut essayer de faire preuve de maturité parce que ça va préserver ton charisme auprès de ta femme. Et les sœurs, c'est pareil. On a des sœurs qui se marient, qui sont encore des gamines, hein, qui ont le téléphone portable plein de numéros, qui sont là toute la journée à parler avec leurs copines, de parler de tout et de n'importe quoi, qui vont faire les boutiques entre sœurs. Ça aussi, c'est quelque chose. Si après le frère donne l'autorisation, alhamdoulilah, avec des sœurs respectables, elles vont aller faire des commissions. Ça, c'est quelque chose. Mais que ce soit le quotidien, je vais aller faire les boutiques tous les jours, en voiture, à 3-4 sœurs en gilbeb, comme ça, et le mari, il est à la maison. Non, ça, c'est pas le comportement d'une sœur qui est une femme. Hein, qui est une femme, et avec qui on va avoir des enfants, et qui va être capable de gérer une famille. Donc, l'idée générale, c'est ça, c'est de prendre de la maturité. Après l'illustration, chacun se connaît, il sait qu'est-ce qu'il doit balayer, et ce qu'il doit préserver et faire évoluer. Un autre point, donc, qui est aussi important, Inch'Allah, pour que les couples durent et que le lien soit vraiment fort, c'est qu'il y ait de l'amour entre l'homme et la femme. Quand je veux dire amour, je ne parle pas de du hub de base fillah, l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala de base qu'on a envers toute musulmane. Notre femme, on ne l'aime pas comme eux. On aime une croyante qu'on n'a jamais rencontrée. Nous, on aime toutes les croyantes de la planète. On les aime à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aime tous les croyants de la planète. On aime Allah et on déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hub fillah. Mais il y a un autre amour, l'amour qui est spécifique au couple. Le fait de, comme l'amour, dans le sens, le coup de foudre. Là. Ça, il faut aussi que ce soit présent dans le couple. Et ça, il y a des gens qui le mettent de côté, qui pensent que c'est que dans les films, dans les feuilletons, ou que c'est pour les koufars, le je t'aime. Là. Ça aussi, ça entre chez les musulmans. Le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il a été questionné sur la personne qu'il aimait le plus, il a dit Aïcha radiyallahu anha. Parmi ses épouses, celle qu'il aimait le plus, c'était Aïcha radiyallahu anha. Et certes, cet amour-là, donc l'amour à Allah, il augmente. Plus ma femme est pieuse, plus je vais l'aimer à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus je suis pieux, plus elle va m'aimer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi l'amour qui en réalité entre aussi dans l'amour fillah, mais qui est la conséquence d'autres facteurs, et notamment le romantisme entre guillemets. Et ça, on a des frères qui sont des stars là-dedans lorsqu'ils sont ils sont égarés dans le haram, avec les femmes qu'ils ont fréquentées dans le haram, et lorsqu'ils se marient, ils pensent que ça ne fait pas plus partie des règles du jeu. Or, cette chose-là, c'est quelque chose d'indispensable. Et les savants en parlent, et le prophète, alayhi salatu wassalam, en a parlé dans sa sunna, alayhi salatu wassalam. Donc, il faut essayer de prendre le cœur de notre femme, et de même, elle, il faut qu'elle prenne notre cœur, et qu'il y ait un amour fort entre nous. Mais un amour qui ne nous aveugle pas au point où lorsque un ordre sera donné ou une situation arrivera qui ira à l'encontre du Qur'an et de la Sunna, nous obéirons ou bien nous irons à l'encontre de la Sunna à cause de cet amour-là. Non, pas un amour qui aveugle, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais l'amour des débuts du mariage, et il faut que ça continue et que même ça évolue. Et donc il y a plusieurs causes pour cela. Les savants citent beaucoup, on en cite quelques-unes. Donc, parmi celles-ci, c'est que la base dans la relation entre l'homme et la femme, ça doit être donc la douceur, al-rifq. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. La douceur n'est pas dans quelque chose sans qu'elle l'embellisse, elle n'est pas enlevée de quelque chose sans qu'elle l'enlaidisse. Donc ça doit être la base. Hier, on a parlé que al-qawama, le pouvoir, entre guillemets, l'autorité appartient au mari dans le couple. Ce qui ne veut pas dire que le mari est comme un général à la maison avec des militaires sous ses ordres. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tout comme il était doux avec ses compagnons, était doux avec ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la base avec la femme, c'est la douceur, c'est les belles paroles, c'est le bon comportement. Et notamment, j'insiste sur les belles paroles. Et comme on dit certains savants, certains douahats, que le mariage c'est un fun, c'est un art. C'est un art que tu vas développer avec l'expérience. Et dans beaucoup de tes situations, tu es presque en tant qu'acteur. Tu es en train de faire quelque chose qui ne relève pas de ton naturel. Mais les femmes marchent comme ça. Et nous, notre méconnaissance souvent de la psychologie féminine, parce qu'on n'a pas reçu ça souvent de nos pères, encore moins des imams, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Et on a donc une méconnaissance souvent de la femme, et on oublie qu'elle marche par le sentimental plus que par le aql. L'homme, il marche par l'intellect. Tes connaissances, et ce que tu rapproches de toi en termes de fréquentation, ce sont des gens qui, intellectuellement parlant, ils ont le même raisonnement que toi, ça colle au niveau des cerveaux. Les femmes, c'est beaucoup plus le cœur. Et c'est beaucoup plus, c'est l'Éden. Donc on disait que la femme, elle marche beaucoup avec l'affectif, avec les sentiments. Et elle a besoin d'avoir un mari attentionné, qui tient compte de sa situation. Elle a besoin d'entendre des belles paroles, beaucoup de choses qui vont justement à l'encontre de l'image que nous, on se fait du mari autoritaire. Et souvent, certains frères n'arrivent pas à exprimer cela parce que leur ego les en empêche. Et on a dit, le mariage, c'est un art. Hein, c'est un art. Et la femme, elle a besoin parfois même d'entendre des choses qui sont pour toi élémentaires. Hein, comme le fameux « je t'aime ». Toi, tu te dis, mais ça sert à quoi que je le dise? On le sait bien. Je l'exprime par le corps. Je suis là avec toi, je te vêtis, je vis avec toi, je dépense mon argent pour toi. C'est quelque chose d'élémentaire que je t'aime. Mais la femme, en plus du corporel, elle veut aussi entendre la parole. Elle a besoin de ces paroles-là, lui demander de ses nouvelles. Quand on revient le soir du travail, lui demander comment s'est passée sa journée, hein, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, lui dire qu'elle est belle, lui faire des compliments sur son physique. Ne jamais, jamais, jamais lui faire de reproches sur son physique ou autre. Elle a besoin de sentir cette attention. Et ça, on le voit aujourd'hui, les maghrébines, entre guillemets, s'enfuient vers qui? Vers les convertis. Pourquoi vont vers les convertis? Parce que eux, ils héritent ça de leur culture. Hein, ils ont vu papa et maman comme ça se faire des bisous, le papa dire des belles, comme à la télé, là, comme nous on l'a vu à la télé, nous. Hein? Les belles phrases à la maman. Parfois, ils vont même trop loin. Ils vont même faire des choses qu'il ne faut pas faire devant les enfants. Mais comme eux, c'est dans leur culture, c'est normal. Après, lui, naturellement, il dit « je t'aime » à sa femme, c'est normal. Le arbi, non, il a du mal. C'est, « je t'aime », c'est « je suis en position pigeon, là, je suis en train de... » Voilà, je me suis rabaissé. Non. Le « je t'aime », t'es joli, machallah. L'attention, là, du... Que nous on a intériorisé, c'est le blanc, le blond aux yeux bleus qui a ça. Nous on n'a pas ça, nous. Non. Il faut ça aussi le développer. Et ça fait partie de casser son ego. Et la femme, elle marche beaucoup avec le sentimental. On ferme la parenthèse parce que c'est long, bismillah, on continue demain, inshallah. Vous avez vu que le temps est court entre les deux prières. On essaie après les deux rakats de venir rapidement. Comme ça, inshallah, on essaiera de... De continuer. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.